Bonsoir, on est en direct d'MTC Montréal. On est le 8 avril 2014, le 8 Nissan 5714. Et Bezat Hashem, la semaine prochaine, c'est Pessah. Alors ce soir, en exclusivité avec le Rav Maimon Pinto, nous allons avoir l'occasion unique de s'entretenir sur la Haggadah avec plein de questions, plein de réponses. Et Bezat Hashem, un très bon cours sur la Haggadah de Pessah qui arrive la semaine prochaine, Bezat Hashem. Alors, Chag Sameach à tout le monde. Et ce cours est pour les Lounishma de Rosalie Batourida, de la Refoua Shelema de Yael Bat Rosalie et de la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva. Alors, bonne soirée et bon cours. On va commencer avec la Haggadah. Je sais que, bon, la plupart de nous, on connaît déjà la Haggadah, etc. Mais chaque année... on fait des erreurs, il y a beaucoup de gens à la maison, etc. Première des choses, c'est que la Haggadah, je vais juste mettre ça, comme ça je retiens. Certaines choses, regardez, quand vous arrivez à certaines choses dans la Haggadah, oui, vous allez à la page, vous allez à la page 3. Oui. La page 3. Voilà. La page 3. Il y a certaines choses maintenant dans la Haggadah qu'on fait et il faut bien les comprendre. Parce qu'à la fin de la journée, tout cet Haggadah qu'on lit, c'est pourquoi Haggadah Milashon Vehigadeta Levanecha. Et tu diras et tu raconteras à tes enfants. Maintenant, les enfants, ils peuvent avoir, ça peut être des enfants de 60 ans aussi, hein? Parce que le Manishtana Alayla Azeh, c'est tout le monde qui demande ce Manishtana. C'est pas juste les petits enfants. Certainement, les petits enfants, il faut aussi les associer. Mais les enfants, les grands enfants aussi, comme nous, qu'on est à table, on doit tous parler, discuter, raconter de l'histoire et des miracles qu'Hachem nous a fait pendant la sortie d'Égypte et à la sortie d'Égypte, oui. C'est ça tout, la Haggadah. Haggadah, vigadata de banecha. Alors, il y a certaines parties dans la Haggadah que quand vous êtes à table, il faut lire même dans une langue que vous comprenez. Si c'est en arabe, si c'est en français, si c'est en anglais, si c'est en espagnol, vous prenez votre temps. On sait que tout le monde a très très faim. On sait que quand ça vient à la Haggadah, tout le monde veut vite. Alors on veut manger, etc. Fait vite, vite, l'agneau, etc. Le peu machin. Mais il faut prendre un peu le temps quand même et lire certaines parties de la Haggadah. Avadi, Maïn ou le Paro. Et au moins peut-être commencer, arrêter et dire quelque chose en français ou en anglais avec la langue que les gens y comprennent un petit peu en tout. Si vous avez des invités que d'habitude... C'est Khametz, on ne peut pas maintenant avec... Ah, c'est pas encore Pessah, excusez-moi. On sait qu'on était au Seder, c'est le Seder maintenant. C'est une pizza en matzol. Pizza matzol. Très bien, alors... Si les gens qui sont à table, ils veulent écouter, vous prenez un peu de temps. Il ne faut pas trop rallonger aussi. Les gens ont commencé à chanter, les gens ils font des piyutim, etc. Il faut être un petit peu raisonnable aussi. Il y a des invités des fois à la maison. Mais si vous avez des invités que d'habitude, ils ne font pas Pessah, ils ne font pas quelque chose, vous arrêtez un petit peu, vous leur dites, voilà, on lit la Haggadah, une petite histoire, quelque chose. Essayez de préparer quelque chose. Et maintenant, c'est juste une petite introduction, mais je pense que c'est très, très, très important. Les gens qui ont des invités, ils ont des petits-enfants à la maison, c'est très, très dur. D'habitude, ça devient très, très tard. Ça commence déjà à 8h30, 8h45. Les enfants, ils sont commencés. Les gens, ils sont agités. Il faut savoir que toute l'union de la Haggadah, c'est être besimcha. Parce que si on veut, non, fais pas comme ça, mets le maror ici, mets le truc, ne bouge pas, assis-toi. On a perdu tout le point de la. Si on fait un petit peu des erreurs, on fait. Hachem, il va être content aussi. Hachem, il va accepter notre seder, etc. Le point, c'est que tout le monde est besimcha. Bien sûr qu'il faut suivre ce qu'il y a dans la Haggadah, mais il ne faut pas que ça prenne tout. Si je fais une petite erreur, on s'énerve, assis-toi. Faut être besimcha avec tout le monde, raconter l'histoire de la Haggadah, etc. et encore aller dans un rythme qui est bon pour tout le monde, pas trop vite, pas trop lent, pas de trop. S'il y a 30 personnes à faire baby loula là, ben, okay, il faut le faire très très vite, hein, parce que ça, vous savez, il y a des Marocains, ils disent, je sais pas, les Libanais aussi, ils font ça. Baby loula, ça non. Oui, autour de la tête. Hein? Lui, il le fait autre chose. Oui, il va d'où il vient. D'où tu viens, où tu vas, où tu arrives. Et quoi, vous mettez un sac sur le dos, c'est ça? Oui. Ok. Ceux qui font le tour. Ok, c'est bien. Il y a beaucoup de communautés. Pizza. What? Non. Il y a beaucoup de communautés. My son, not me. Il y a beaucoup de communautés ashkénazes aussi qui font ça. Ils prennent, ils vont avec quelque chose, ils commencent à marcher autour de la table, avadim aïnou les paroles, etc. Ils font tout un truc. Mais bon, ça c'était une petite introduction. Maintenant, et quand après la plat du Feder, on passe autour de la table, comment à la fin du Tehla, on dit le premier signe qu'on fait, c'est Kadesh, oui. C'est là pourquoi la première chose qu'on fait, Kadesh. On revient à la maison, la table devrait être déjà prête. On essaie que la table est déjà prête avant qu'on parte de la synagogue. Au moins que si on est à la synagogue, la femme a déjà préparé, les gens ils ont préparé déjà toute la table pour qu'on puisse commencer tout de suite le seder. Le seder, on fait tout de suite. On fait le kiddush. Maintenant, le kiddush, puisque c'est pas Shabbat, alors on ne fait pas Yom HaShishi, évidemment. Elle est Mo'adé Hachem, etc. Savre Maranan, et on fait tout le kiddush. Maintenant, ce qui est différent dans tous les autres kiddushim, c'est dans le Seder, il faut le boire Be'aseba. N'oubliez pas, il faut le boire, pas penché, mais. Parce que penché, c'est pas Inaseba. Je vais juste montrer. Physiquement, Inaseba, c'est pas ça. Ça, c'est pas considéré Inaseba. Il faut que vous vous préparez une place, que vous allez être bien. Comme ça, ça c'est Inaseba. Et vous vous penchez du côté gauche et pas du côté droit, parce que le côté droit c'est pas vous devez manger. Alors c'est pas Inaseba de manger du côté de vous pencher du côté droit quand vous allez manger avec la main droite par exemple. Même si vous êtes gauchier, vous vous penchez sur le côté gauche. Toujours Inaseba. Maintenant pourquoi je vous dis ça, c'est tellement important, parce que si vous faites pas Inaseba, vous devez boire un autre verre. Parce que dans le seder, il faut boire 4 verres. Ces 4 verres, il faut les boire tous Be'aseba. Si vous ne le voyez pas Be'aseba, vous n'êtes pas yotze des 4 verres. Si vous n'êtes pas yotze des 4 verres, eh ben, il faut reprendre. Celui-là que vous n'avez pas bu Be'aseba, il faut le reprendre et reboire. Bien sûr, certainement sans bracha. Oui. Certainement sans bracha. Alors il faut faire très très attention. Maintenant quand ça vient au deuxième et au troisième verre, il y a déjà une très grande question s'il faut refaire la bracha. Alors s'il vous plaît, faites très attention de boire les verres Be'aseba, tous les verres. Ok. Après qu'on a fait, c'est bon, Israël. Mais non, je ne parle pas de la façon qu'on va placer le plateau, le plat, parce qu'il y a trop de différents minagim. Il y a des minagim selon la Rizal, il y a des minagim selon les Marocains, comment ils font. Alors, chacun a son minag. Avant que vous commencez le kiddush, chacun place ce plateau, ce plat, sur sa table, avant qu'on fasse le kiddush. Les gars, Ok, guys. Ok, maintenant au kiddush aussi, vous voulez pas de faire Shehiyanu Bikiman Shehiyanu Lazmanage. Les deux jours. Ça y est, monsieur Belichia, ça y est. Ouais, 2 jours. Oui. Hazak. Ok, après qu'on fait Shehiyanu, on boit le verre de vin, Be'aseba. tendu comme ça. Si vous ne le voyez pas tendu, vous allez voir un autre. Tous les verres que vous ne buvez pas mais assez bas, vous allez boire un autre pour chaque verre. Il faut boire encore. Je le répète parce que je ne sais pas si tout le monde fait attention. Okay. Quatre verres. Quatre verres. Mais à gauche toujours. À gauche, à gauche toujours. À gauche. Bien, bien, bien. Vous vous mettez dans un sofa, pas un problème. Mais nous, on fait. Oh, oh, ok. Maintenant, yeah, lazy boy ou bien maison. Ok, maintenant, après qu'on a fait. Après qu'on a fait. Vous repérez à GFN. On fait urchat. On se lave les mains. Oui. Oui, on se lave les mains sans bracha. N'oubliez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Vous voulez une autre agada? J'ai une extra ici. Nous, on a l'habitude. Oui. La femme, pour faire la bracha, il jette un dos dans la bracha. Personne ne fait bracha, ou khat. Non, non, mais c'est la femme qui. Elle ne lève pas de la table. Ah, okay. C'est la femme qui va faire le. Oui, c'est la femme. Magnifique. Ok, c'est très bien. C'est lui qui n'a pas de femme, alors. Il ne fait pas. Celui qui n'a pas de femme devrait se marier avant Pessah. Comme ça, sa femme peut lui faire le. Vous appelez quelqu'un, on va vous arranger une femme juste pour Pessah. Comme ça, elle peut vous faire. Ok, au Khat, on fait comme on fait de Netilat Yadaim pour la Seouda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme on fait le matin. 3 de chaque côté. Ça, c'est Ouchat. Maintenant, après le Ouchat, pourquoi on fait Ouchat? Premièrement, toutes les choses qu'on fait, tous les changements qu'on fait d'habitude dans le Seder, pourquoi on fait toutes ces choses-là? Pourquoi on fait bébé l'eau sur la tête? Pourquoi toutes ces choses-là, on fait pour que les enfants demandent. Pour qu'on amène les enfants à dire Manishtana. C'est quoi Manishtana? C'est quoi les mots Manishtana? On le dit tout chaque année, oui. Mais en hébreu, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est différent de toutes les autres soirées? Alors, toutes ces choses-là qu'on fait différemment, d'habitude, on ne se lave pas les mains sans bracha avant la Seouda. Alors, toutes ces choses-là, c'est pour amener les enfants de trouver que c'est une soirée différente, c'est une soirée de célébration, de Pessah. Comme ça, ils posent des questions. Maintenant, quand ça vient à Karpas, et encore, je ne dis. Je ne veux pas dire c'est quoi Karpas, parce que chaque communauté a presque un différent coutume, c'est quoi Karpas. Il y a des gens qui mettent des oignons, des patates, persil, oui, des pommes de terre, excusez-moi. Céleri. Pommes de terre, céleri. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que vous faites très attention, je sais qu'on ne va pas manger pour au moins 45 minutes, ou je ne sais pas le temps que ça vous prend, vous ne mangez pas plus qu'un kazaït. Vous mangez moins qu'un kazaït. Un morceau. Ah, vous mangez maintenant, c'est quoi un morceau? Un kazaït, c'est le volume de 28 grammes. Volume, pas de poids. Quand on dit, Bechlal, je vais vous dire un concept dans la halakha, quand on parle de halakha dans la halakha, de 28 grammes. Quand on dit 28 grammes, c'est toujours volume 28 grammes. Le volume de 28 grammes, c'est environ. Une grosse olive, pas les petites olives qu'on a, mais une très grosse olive, c'est ça. Vous mangez moins que ça. Pourquoi? Très simplement. Le Ben Israël rapporte que. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui va manger, on va dire, je ne sais pas, des chips, et tout d'un coup son ami vient et lui dit viens, on va manger quelque chose, fais Netilat Teda et on va manger. Il n'a pas fait bracha achrona. Après les types, par exemple, on doit faire borane fashot rabot, vechesronan, etc. Oui. Maintenant, il a oublié et il a fait netilat yadaim. Il se rappelle maintenant, au milieu de la seouda, qu'il a mangé des types. Est-ce qu'il doit faire borane fashot? Il est au milieu de. Il a fait netilat yadaim, il a mangé du pain. Non, il fait borane fashot rabot. Certainement. Je sais que c'est surprenant, mais c'est une halakha. Ça n'a rien à voir. Si vous mangez au milieu de la Seouda quelque chose, des fruits par exemple, alors le Birkat Amazon, exemple, les fruits, vous ne devez pas faire Bracha Achrona pour les fruits. Mais si vous avez mangé des fruits avant que vous avez mangé du pain, eh ben, vous avez déjà une obligation de faire Bracha Achrona avant que vous avez mangé du pain. Alors ça n'exempte pas, à moins que c'est des maisonnotes, etc. Alors c'est la même chose. Si vous allez manger maintenant un kazaït, vous allez manger 28 grammes, il y a une grande question, est-ce que vous devez faire une bracha achrona ou pas? Alors il y a certaines opinions qui disent il faut faire une bracha, le Ben Israël dit il ne faut pas faire une bracha, et c'est un safek, etc. C'est plusieurs opinions de tous les côtés. Mais tu fais une bracha à l'adama. Adama, mais pas bracha achrona. On parle juste de la bracha achrona. Bracha rishona, la première bracha, borei peri adama, shakol, borei peri haetz, il n'y a pas une quantité combien. Ça prend pas, n'importe quelle quantité, on doit faire une bracha. Mais pour la bracha achrona, il y a une certaine quantité pour faire une bracha achrona, et c'est un kazaït, au moins un kazaït. Alors, vous faites très attention de manger un bout plus petit qu'un kazaït, pour qu'il n'y aura pas de safek sur la bracha achrona. Combien d'espace de temps entre 28 grammes et un autre 28 grammes? Pour ne pas faire bracha achrona. Ça dépend quoi? Ça dépend de ce que vous mangez. Si c'est de l'eau, 2-3 minutes. Pour lui faire bracha achrona. Mais si imaginons, on passe. Prends une olive, oui. Une demi-heure plus tard, prends une olive. Vous ne faites pas une bracha rishona. Vous ne faites pas une bracha rishona à borei peri haetz à chaque fois. Mais pour faire la bracha achrona, il faut le manger dans un temps. Dans un certain temps. Le temps, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes. Mais oui. Si je le prends après un quart d'heure. C'est exactement comme du pain. Comme ça prend, si vous avez fait à moitié de chemin arrête, vous avez lavé les mains, et maintenant, du temps a passé, vous avez oublié de faire Birkat Amazon. Combien de temps vous avez jusqu'à ce que vous faites Birkat Amazon? 72 minutes. Pourquoi? Oui, mais quand, tant que vous êtes toujours à table en train de manger, tant que vous êtes toujours à table en train de manger, ça ne change rien. Non, vous êtes toujours, vous êtes toujours à table. Mais si vous, par exemple, vous êtes au travail, vous avez mangé un sandwich, oui, après 40-50 minutes, vous vous rappelez, je n'ai pas fait Birkat Amazon, vous avez jusqu'à 72 minutes à faire Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que les Khamim, ils ont calculé que ça prend au moins 72 minutes que digestion. Alors de l'eau, ça comprend combien de temps? 2-3 minutes? Voilà. C'est ça que ça prend. Alors, retournons maintenant au carpas. Carpas, vous mangez moins qu'un kazaït. Après qu'on a fini avec le barca, hein? Maintenant, est-ce que le carpas, on doit le manger Be'aseba? Non. Le carpas, vous ne mangez pas Be'aseba. Ça, c'est Shulchan Aruch? Oui. Oui. Parce que moi, j'étais une fois à New York, un Rav Emani. Son carpas là, oui. C'était un sandwich. Non, ça c'est Corère. Ah. Ça c'est Corère. Ah. Non, une seconde. Non. Non, c'est après le Haggadah. Non. Écoute, le pauvre, il avait faim. Non, avant la Haggadah. Avant la Haggadah, il a mangé un sandwich. Non, quand il prend les deux matzot et le. Ça, c'est. Non, c'est pas avant la Haggadah. C'est avant la Seouda. Ça, c'est Korech. C'est pas Karpas. Ah oui, c'est quelque chose de. Oui, ben on le dit. Quand est-ce qu'on le dit? Il mettait. Vous prenez un petit morceau de pain. Kacha Asa Hillel. Oui, vous vous rappelez de cette partie de la Haggadah. Kacha Asa Hillel, Aelokar Matsaro Maro, et Kortram Beyachad. Un karich, il faisait un sandwich. Un sandwich. Mais c'est assez gros. Ouais. Il faut. C'est plus que 20 grammes. C'est plus que 28 grammes. Pas de 4. Non, on parle de. De quoi? Parle, oui. Oui, il a fait, il voulait manger plus, mais c'est pas obligé. C'est pas de manger obligé. Non, t'as déjà fait Moutsi. Oui, on a fait Moutsi, bien sûr. On a fait Moutsi. C'est avant la Seouda. C'est avant la Seouda. On va parler, on va arriver à ça. Mais c'est pas Karpas. C'est pas Karpas, c'est Korer. Les deux mots. Korer, les deux matzot ensemble avec le Maror. Dans le temps du Beth Amikdash, avec le Korer, on faisait aussi avec le Korban Pessah. On prenait le Korban, la partie du Pessah, Hillel, comme ça il faisait Hillel à Zaken, il prenait la matzah et il mettait du Maror et le Korban Pessah ensemble, et il faisait un sandwich et il mangeait. Et t'as le droit de manger autant ou c'est des personnes qui ont fait des petits morceaux comme ça? Eux ils font. Ça, vous pouvez manger autant. Au moins, il y a au moins un kazaï. Un kazaï, ouais. Ok, après le karpas, on fait yachatz. C'est quoi yachatz? On sait pas. Non, ça c'est urchatz. Urchatz, on a fait déjà. On a fait kadesh, urchatz, c'est se laver les mains, karpas. Maintenant, on fait yachatz. Yachatz, c'est de séparer le afikoman. Ah, oui. Maintenant, monsieur Darou, je voulais goûter. Ok, maintenant les trois, comment est-ce que tout le monde fait ici? Vous mettez trois matzot, oui? Tout le monde d'accord, oui. Qu'on met trois matzot, oui, oui. Alors le afikoman, on le prend de la matza du milieu, on la coupe, hein? Ah, je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire que y a... Quoi, non, Kohen, Lévi, Israël. Le haut c'est Kohen. Kohen, Lévi au milieu, oui. Israël en bas. Chazal. On parle du milieu. C'est ça. Non, ça c'est à la fin. C'est Chagadia ça. Non. Ouais, c'est pas. Chagadia. Non, non. Oui, c'est vrai. Ok, Chazak. Ok, alors comme que je disais, on prend celle-là du milieu et on la coupe en deux. La partie la plus grande, on garde pour le afikoman. Le afikoman, le minag, c'est de le mettre dans un, je sais pas, dans un, dans une nappe. Eh bien, comme ça. C'est ça. On le cache. On le cache, etc. On le cache. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Si une fille, elle n'est pas mariée, ou un homme n'est pas marié, allez le trouver, et le, la chance, ça vous en vient. Et si elle ne le trouve pas? Pardon? Si elle ne le trouve pas? Elle lui offre pas les mains. Ça y est, on va pas se marier. Elle attend l'année prochaine. Elle attend l'année prochaine. Ok, alors, pourquoi est-ce qu'on le divise? Parce que là, Agada, il faut le dire sur une matza qui est Chiyuv de matza. C'est quoi la matza? Lechem Oni. Alors, quand on va faire la bracha sur la matza, il va nous rester juste un petit bout de matza. Parce que les trois matzot, quand on va faire un motzi lechem min haaretz, on va attraper les trois matzot. Et on va manger aussi de la matza du milieu, qui oui. est le petit bout qui nous reste, qui est le lechem Oni, parce que le pauvre, il a un petit bout de matza, etc. Alors, et la grande partie, on garde pour la fikoman, parce que la fikoman, c'était pour se rappeler du korban pessah. Parce que au temps du Bet Amigdash, la dernière chose que les gens y mangeaient, comme ça ils allaient avoir le goût du korban pessah, c'était le kazaï de korban pessah. Une partie du korban pessah, ils le mangeaient à la fin, comme ça ils avaient le goût du korban pessah. Maintenant, puisque aujourd'hui on n'a pas le korban pessah, on fait le fikoman, on mange le fikoman. La plupart, le Bet Yosef, Shulchan Aruch, il rapporte que c'est mieux de ne rien manger après le afikoman. On mange rien. Certains disent qu'il faut même pas boire quelque chose. Alors il faut faire attention qu'on a bien bu, on a bu de l'eau, etc., qu'on n'a pas soif, etc., et qu'on mange le afikoman à la dernière. Bon, on n'a pas arrivé encore au afikoman. Ok, maintenant ça c'est Yachad, on a séparé, on arrive à Magid. Magid c'est la Agada. Maintenant on fait, selon le ménage marocain, c'est Bevilo. Hein? C'est ça, Bevilo. Quelle est l'origine de Bevilo? Vous savez pas pourquoi on fait Bevilo et d'autres, personne d'autre ne le fait? Premièrement, le mot Bevilo, c'est dans le Rambam. Le mot Bevilo, c'est un mot en hébreu. En hébreu. Vérité, c'est bivhilou. Bon, les Marocains disent bivhilou, mais bivhilou. Bivhilou, ça veut dire en bechipazon, comment on dit rapide. Non, rapide. Bivhilou yatsanou mimitzrayim. Ah, bivhilou. Oui, bivhilou. On est sorti vite de l'autre. Ça se trouve dans la Haggadah de Rabbi Amram, Rav Amram Agaon, Rabbi Saadia Gaon, dans le Rambam, etc. Ça se trouve. Maintenant, qu'on passe. Sur la tête, j'ai vu juste avant que je suis venu, j'ai vu la première fois que j'ai vu ça, Rabbi Shlomo Toledano, il rapporte que c'est encore une autre chose qu'on fait pour que les enfants demandent c'est quoi ces choses, c'est ça, ouais, pourquoi on fait ça, parce qu'encore toutes les choses qu'on fait c'est pour que les enfants demandent manishtana, etc. Alors c'est une autre chose qu'ils ont fait pour les enfants demandent, c'est ça, pour que les demandent des questions. Alors quelqu'un m'a dit qu'il y a un verset qui est un indice pour ça. C'est quoi le verset? חץ בניקיון כפיי וסובבה מזבחיך השם. Alors, חץ בניקיון כפיי, on fait ou חץ, on se lave les mains, וסובבה מזבחיך השם. C'est un indice dans le Tehillim. C'est mignon. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, oui. Mais sobeva, on le fait aussi dans les kaparot. Chazak. Mais on ne fait pas de ruchatz avant. Non. Ruchatz benikran kapay, et sobeva, et zbechech hachem. Ok. Maintenant, après qu'on a pris les magid, on dit elachmania. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend les mots elachmania? C'est très important de comprendre. On va le lire ensemble. Elachmania. Di achlo avatana be'ara de Mitzrayim. C'est quoi elachmania? Du pain, lechem oni, de pain de pauvre. Di achlo avatana, que nos ancêtres ont mangé be'eretz Mitzrayim. Kol dirfin etev echol. Chaque personne qui n'a pas de quoi manger vient, on l'invite de venir à notre table de manger. Kol ditri etev yisach. Ça c'est dans le temps du Beit Hamikdash, quand il y avait le Beit Hamikdash, quand on mangeait du Pessah. Alors on les invitait aussi de manger le Pessah. Kol itiv ifsach. Ifsach veut dire de manger le korban Pessah. Ashtaacha, maintenant on est ici. Leshana ba'a ba'ara d'Israël. Maintenant on se trouve ici dans la Galout. Bezrat Hashem, l'année prochaine, on va être Be'eretz Israël. Ashta avdin, maintenant on est toujours des servants, on est des esclaves. Les Shana Abba Benechori. L'année prochaine, on serait des gens libres. C'est ça. Ok, maintenant, après qu'on a fait El Achmania, vous avez tourné, etc., on doit dire Manishtana. Oui? Maintenant, pour Manishtana, encore, on met la Kiara, le plat qu'on avait, on le met un petit peu de côté. Encore, c'est exactement la même chose pour que les enfants demandent. Parce que si on commence à manger, pourquoi on met le plat de côté? Alors, c'est pour que les gens, on va se préparer à se demander. Combien de questions on trouve qu'il y a dans la Gada? Quatre questions. Alors, c'est quoi les quatre questions? Manishtana alayla azé, mikol alayla. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est différent de tous les autres? Que c'est... Hein? Non, une seconde avant ça. Chez Bekol Alot, en Anou Majbilin, on ne trempe pas. Combien de fois on trempe la nourriture pendant le Seder? Combien de fois on a fait déjà un. C'est lequel? Le Maroc. Karpas. Fazak. Quel d'autre on va faire? Maror. Et Korer. Fazak. C'est trois. Combien il dit ici dans la Gada? J'étais pas même. Pourquoi? Ça fait trois, on vient de compter trois, non? Deux, hein? Non, deux. On vient de compter trois. On a dit trois. Oui, non, moi je dis deux. Pourquoi? Oui, mais je sais, lui aussi il dit deux. Mais le Baal Agada aussi dit deux. C'est lui qui a écrit la Agada. Lui, il a certainement raison. Le Korer est. Le Korer et le Maror sont comptés comme un. Pourquoi? Parce que le Korer. Chazak. Le Korer, c'est la même chose. Et on prend aussi le Maror et on le met dans le Korer. Et c'est pour ça, c'est considéré comme une seule chose. Et c'est pour ça qu'on dit. Alors ça, c'est la première chose. Dans tous les autres nuits, on mange pas à table, on trempe pas dans du sel, etc. Cette nuit, on trempe deux fois. Tous les autres nuits, on mange du Hametz. Maintenant, cette nuit, on mange du Matzah. C'est la deuxième question. La troisième, c'est question que tous les autres nuits, on mange des légumes. Cette soir, on mange du Maror. Et la dernière question, c'est que tous les autres nuits, on ne mange pas Be'aseba, et cette nuit, on mange Be'aseba. Est-ce qu'il y a une importance à l'ordre des questions? Parce que j'ai l'impression que dans chaque agadot, l'ordre est différent. Non, il n'y a pas vraiment un ordre. Il n'y a pas. C'est obligé d'être le même ordre. Hein? L'agadot, c'est toujours le même ordre. Non, il demande l'ordre des questions. Pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il dit dans cette agadot? D'ailleurs, moi, j'ai une différente agadot. Déjà, par rapport à ce que tu dis, c'est différent ici. Là, qu'est-ce qu'il dit, oui? Non, mais il n'a pas dit que c'est marrant. C'est complètement différent d'ici. Même si tu prends séparate, encore c'est encore différent. Ça, c'est Ashkenaz. Oui, mais si tu prends encore séparate, encore différent. Oui, c'est sûr. Non, il n'y a pas vraiment une différence d'ordre. Tant qu'on demande des questions. Mais pourquoi la Agada Ashkenaz c'est différent de la Agada Sfarad? Différent de façon que différentes des petits détails. Ça c'est ici, ça c'est là, mais tout c'est l'ordre. C'est pareil. D'ailleurs, quelqu'un m'a appelé juste avant, il m'a demandé c'était qui a écrit la Haggadah. Justement, c'est ça que je vais poser la question par rapport à ça, c'est comment ça se fait que on arrive à avoir une Haggadah tous les deux, Ashkenaz Sfarad, et qu'en plus elle est différente. C'est comme le Sidour. Non, ça dépend. Ouais. Sidour aussi. Oui, mais il a évolué. Ça aussi, ça ouvre. Des changements dans la galaxie. Aujourd'hui, on pourrait faire des changements dans la galaxie. Un rat pourrait venir et dire on va venir. Après le Khatima du Talmud, après la conclusion du Talmud, il n'y a personne qui peut venir et changer. Personne ne veut changer. S'il y avait une coutume que l'ordre. Quand on regarde la Haggadah du Rambam, par exemple, elle est très différente de ce qu'on va faire. La Haggadah du Rambam, elle est extrêmement courte comparée à ce qu'on fait aussi. Les Thémanim, ils finissent assez vite, parce que les Thémanim, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés Thémanim, ils ont toujours suivi le Rambam. Ils n'ont jamais accepté le Shulchan Aruch. Jamais. Ils ont suivi, c'est le Rambam, c'est fini. Mais actuellement, en Israël, ils font que ce que le Rambam, c'est la dernière autorité pour eux de Halakha. Ah bon? Oui. Ça dépend. Il y a Baladi, dans les Thémanim, il y a Baladi, il y a Sunni. Sunni? Non, excusez-moi. Baladi et. En tout cas, je ne me rappelle pas. Ils ont deux différents Sidourim aussi. En Théman, ils avaient deux différents Sidourim, deux différentes coutumes. Certaines communautés, ils ont accepté le Shulchan Aruch. Et l'autre communauté n'a jamais accepté le Shulchan Aruch. Ils ont toujours suivi le Rambam jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner un exemple. Le Rambam, il rapporte que c'est pas assez de saler la viande. Il faut aussi la cuire. Après qu'on sale, on fait salir, ou même sans salir, on la met dans l'eau chaude. Et tout le sang remonte, et après ça, on peut le manger. Dans les communautés Thémanim, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et chez les Marocains, non? Non. Bon, parce que les Marocains, ils ont aussi accepté le Beth Yosef. Quand le Shulchan Aruch a été diffusé, ils ont accepté le Beth Yosef comme une autorité rabbinique. D'ailleurs, le Beth Yosef et le Rambam, c'est... En tout. C'est presque... Ah, c'est presque exactement la même chose. Parce que la plupart du temps, le Beth Yosef... Rabbi Yosef Karo, il va suivre l'opinion du Rambam. C'est presque 100%. Le Rif, le Rambam, Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Rambam, ils ont peut-être dans 10 places, dans tout le Talmud, ils ne sont pas d'accord. Juste 10 places. Alors, ils sont presque exactement la même chose. C'est très très, très minime. Ok. Alors, ça, c'est la Gada. Alors je reviens. Qui a écrit la Haggadah? Alors, la plupart des opinions des Chachamim disent que la Haggadah a été écrite par les rabbins de la Grande Assemblée, un Knesset Agdola. Mais ça n'a pas arrêté là-bas. Il y avait une base de Haggadah, parce que de raconter la sortie d'Égypte, on a une obligation... Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, chaque année on fait le Korban Pessah, etc. Depuis qu'ils sont rentrés en Israël. Alors, ça commençait bien avant. Mais il n'y avait pas, comme dans toutes les autres choses, les gens priaient bien avant qu'il y avait un sidour. Mais chacun priait de la façon qu'il pouvait prier. Ça veut dire, quand eux, ils faisaient le seder de Pessah avant qu'il y avait une Haggadah, ils s'assoyaient, ils buvaient du vin, ils faisaient le Korban Pessah, et chacun racontait les histoires de Yetziat Mitzrayim. Parce que la Haggadah, à la fin de la journée, à part les choses techniques là, qu'on voit ici, on fait la Seba, etc., c'est l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Mais on sait très bien que ça continue à évoluer, parce que dans la Haggadah elle-même, on trouve Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'était plus dans la Knesset Agdola. C'est bien des générations après. Oui, Kacha, Rabbi Akiva, on trouve Rabbi Shimon, les Chachamim du Talmud, Kacha, Chachamim, Ayoshim, Bebne Brak, etc. Ça veut dire que, fur et à mesure, ça a évolué. On trouve une Haggadah qui se trouve dans le Talmud Yerushalmi, et que ça a été rajouté dans les autres générations et les autres générations jusqu'à qu'on ait une Haggadah qui est plus ou moins chez les Ashkenaz et les Sépharad la même chose à part des différentes différentes. Donc après l'écriture du Talmud, ça c'était défini. Oui. Ben on trouve Rabbi Amram Gaon qui était dans la génération des Gaonim. Les générations de Gaonim c'était plus ou moins peut-être 300 ans après le Talmud, après les Amoraïm. Rav Amram et Rabbi Saadia Gaon, ils habitaient à Soura ou à Pompadita, en Bavel aussi, mais c'était déjà une génération de Géonim, qu'on appelle, la génération de Géonim, et eux-mêmes, ils ont écrit leur propre Sidour. Le Sidour qu'on trouve aujourd'hui est la plupart basé sur le Sidour de Rav Amram Gaon et Rabbi Saadia Gaon, que les deux, ils ont écrit leur Sidour, et dans leur Sidour, on trouve aussi cet Agada. Maintenant, concernant dans les communautés ashkénazes, le premier Sidour qu'on trouve, c'était Marzor Vitri, qui était un des étudiants de Rashi. Et dans ce Marzor-là, hein, oui, c'est des Français. Il y a un endroit qui s'appelle Vitri. Oui, voilà. Alors, Marzor Vitri. Vitri-sur-Seine. C'est quoi? C'est une ville en France? C'est une ville en France. C'est vrai? C'est à côté de Paris, en banlieue parisienne. Ben voilà. Alors, ce grand rabbin a mis en place ce sidour qui s'appelle Marzor Vitri, qui était l'étudiant de Rashi. Et dans ce sidour-là, il ramène une Agada et tous les coutumes que Rashi avait dans la Agada, dans la fila de Shachri, tous les coutumes dans Shabbat, etc. Alors c'est plus ou moins peut-être les deux premiers qu'on trouve peut-être chez les Ashkenaz. Chez les Ashkenaz, il n'y avait rien. Pas dans... C'est le 10e siècle. Avant le 10e siècle, pourquoi Rashi. Ok, Chazal. Avant ça, c'était Rav Amram Gaon, c'était peut-être... L'an 1000, c'était... Non, mais Rav Amram Gaon, c'est 400 ans encore avant Rashi. 400 ans, ça fait... Avant Rashi. 6e. Ouais. C'est ça, 6e. 1400 ans. C'est ça. 1400 ans. C'est ça. C'est ça. Chazal. Ok, maintenant, après qu'on a fait Manishtana... On retourne le plat qu'on a mis un petit peu de côté, on retourne et on commence à Avadim Ha'enu. On fait le plat de vin. Hein? Il va être surveillant ici. Et Chazak. Avant de commencer. Chazak, il a raison. Il a oublié ça, c'est vrai, il a raison. Avant Manishtana, excusez-moi, avant Manishtana, on fait le plat de vin, du vin. On le touche pas, on le boit pas encore. Et après, on fait Manishtana, oui. On continue, Avadim Ha'enu, on lit. Shahamda. Shahamda, Chazak. Il n'y a pas de problème, on peut boire plus que 4 verres. Vous pouvez autant boire. Alors, autant de manger. On ne boit pas de verre entre le premier et le deuxième. Et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, on peut boire. Parce qu'après le deuxième. C'est juste avant qu'on se lave pour les mains, on fait la matzah, le maror, le korer. Après, on commence pendant le repas, on peut boire autant de vin qu'on veut. Le premier, le deuxième. On est sous à la fin et comment on fait ça, si par exemple, j'ai rempli le verre. Serre le premier. J'ai rempli le verre, j'ai fait la. Tu le finis à fur et à mesure. Mais est-ce que tu peux le finir de moi? Voilà, je vais le dire. Il veut dire que tu remplis pas une autre verre. Je vais le dire. Maintenant, il a une très bonne question. Excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qui est concernant le vin? Comment boire? Si une personne ne peut pas avoir beaucoup de vin, la meilleure des choses, premièrement, ça c'est environ la, c'est 86, 86 ou rien? 86, c'est environ. Hein? 3.5 ounces. 3.5 ounces, okay. 3.5 ounces. Ok, c'est environ. C'est un peu plus que 86. C'est environ. C'est un peu plus que ça, un peu plus, mais c'est environ la taille. Maintenant, si vous savez que ça va être très très dur pour vous de boire du vin, la meilleure façon de boire le vin pour les 4 verres, c'est de boire tout le verre. Ça, c'est la meilleure façon. Maintenant, si vous savez que ça va être dur pour vous, Alain, prenez un vin qui n'est pas fort. Jus de raisin, pour les femmes. Ah, pour celui qui ne supporte pas. C'est mieux du rouge. Rouge, rosé. Comment c'est pas le rouge, hein, parce que dame, tu vas le akinim. Après, on met avec de l'eau. Si on n'a pas de femme, on va vous amener une femme. Elle va avoir le jus de raisin avec le paquet de poussière. Non, regardez. Aujourd'hui, il y a comme le, vous savez, connaissez le vin là, Jovin ou Bartanura et truc, 5%. Ben, si vous pouvez pas prendre, prenez avec quelque chose qui a un alcool. J'ai vu maintenant, ils ont fait un vin Kedem 3%. Même. Ouais. Avec 3%. Ben, c'est déjà mieux que du jus de raisin. Moi, j'ai... Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui. Ils ont, c'est dur, ils ne supportent pas. Moi, je ne supporte pas, mais par exemple, nous, on achète du vin doux. Très bien. Très bien. C'est le doux, d'accord. C'est le pire, celui-là. Ouais, c'est le doux qu'on achète. Ouais, monsieur Benicha, vous faites. Sur quoi vous faites? Allez. Vous buvez du vin, du bon. C'est comme ok, alors. Maintenant, si vous ne pouvez pas, comme j'ai dit, c'est le meilleur. Maintenant, si vous ne pouvez même pas faire ça, il faut boire la plupart du verre. Rovkos. Je réponds à votre question. Maintenant, si vous n'arrivez même pas à finir tout le verre, la plupart du verre. Et la plupart du verre, c'est d'un coup. Hein, on peut pas. C'est pas du thé. Non. C'est pas CP. Non, il faut le boire d'un coup. Derrière les routes. Il y a un maximum qu'on doit boire. Il y a un max. C'est la 85. Le casaïde pour la nourriture. Oui. Est-ce qu'on doit l'alcool pour le vin? Est-ce qu'il y a un maximum qu'on ne doit pas dépasser pour éviter de devoir tomber dans la section? Il y a dans le vin. C'est ça, c'est ça. On fait qu'il douche dès le début. Je veux prendre la bouteille. Chabad, il faut boire 4 bouteilles. Mais c'est ça. Chabad, il y a chaque verre, c'est une bouteille. Mais maintenant. Non, il n'y a pas. Parce que de toute façon, vous n'allez pas faire à la Geffen, va appeler à Geffen jusqu'à la fin après Birkat Amazon. Vous allez boire le troisième verre. Après le Hallel. Après le Hallel. Après le Hallel, vous allez boire le quatrième verre. Là, vous allez faire à la Geffen, va appeler à Geffen. Parce que c'est. Il n'y a pas un risque que quelqu'un il boit beaucoup entre le deuxième et le troisième et il soit sous, il ne peut pas finir la gada. Ça, c'est les accidents de parcours. Si, regarde, chaque personne se connaît assez bien. On est tous des adultes. C'est la fête. On n'est pas des enfants, des adultes. C'est la fête. Et chaque personne sait combien il peut boire. Et s'il sait qu'il va aller boire, il va boire toute une bouteille, il va s'endormir sur la table, ça m'est arrivé une fois. Les gens qui n'ont pas de vin, est-ce qu'il peut le faire avec un autre alcool? Parce qu'il y a des pays où peut-être qu'ils n'ont pas de vin cachet, le reste, il peut le faire avec de vodka la bière. Monsieur, dites la vérité, c'est vous qui voulez le faire. Il faut trouver du vin. Il y a pas vraiment avec quoi. Maintenant, s'il a pas de vin rouge, il peut prendre du vin blanc. S'il trouve pas de vin rouge. Mais c'est bien. Rouge. Tu le coules là. Oui, mais s'il a pas. Tu vois, il a oublié d'acheter le vin, il arrive à la sac et plus, il n'y a plus que du blanc. Il n'y a pas de problème. Avant la fête. Il n'y a pas de problème. Mais c'est du vin. Mais quand c'est du vin, c'est pas grave. Quand on fait des duplés. Oui. Oui, oui. Non. Il faut pas. Non. On les touche pas. On les renverse, etc. Vous savez, il y a une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez aimer cette histoire. Il faut pas les regarder. Il y a. Non. Ça c'est des minhagim. Alors regardez. Excusez-moi, une seconde. Une seconde, les amis. C'est juste. Premièrement, il y a certains minhagim que pendant Pessah, chacun a des différents minhagim. Ça c'est certainement. Il y a certains minhagim qu'on verse pas aussi le vin pendant les plaies. On met pas le plat sur la table. Oui. On le tient en l'air. Il y a qui le jette dehors. Oui, parce que ça ne s'en renverse pas sur la table. Ok, hasard. Et on ne le regarde pas. Il y a certains minhagim. Il y a une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une jeune fille qui est venue, ou un jeune homme qui est venu chez le rabbin. Il a demandé au rabbin s'il peut prendre du lait. Du lait. Au lieu du lait pour les quatre verres, parce que. Est-ce qu'il peut t'acquitter? Non. Alors, il dit seulement si tu prends des céréales. Avec. Alors le rabbin lui a dit non, il faut prendre du vin, parce que bon, le monsieur il n'avait pas de moyens pour prendre du vin. Alors le rabbin lui a dit attends une minute, il est parti, il lui a donné une très grosse somme d'argent pour acheter, etc. Mais il pouvait acheter tout le repas, pas juste le vin. Et il est parti, il a remercié le rabbin, etc. Et sa, la femme du rabbin, elle lui a dit, comment, pourquoi tu, il t'a demandé pour du vin, tu lui as donné pour Seouda pour 2 semaines, tout le repas, etc. Il lui a dit, s'il a demandé du lait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de viande. Exactement. Alors, c'est, s'il n'avait pas de viande, il n'avait pas les matzot, il n'avait rien. Alors, je lui ai donné tout. Mais la chokma du rab qu'il avait compris que... Ok, alors dame, ok, on continue vite, vite. Comme ça, on essaie d'arriver au moins à Korer, etc. On lit la Agada. Encore, comme j'ai dit au début, à un rythme qui est... On ne fait pas tout le monde dormir à table, oui. Il ne faut pas courir, mais les enfants, etc. On fait Benachat, etc. Après, on fait Dam, Ve'esh, Ve'tmarot, et on fait les 10 Makot avec le Datsach, Adash, Bachav, etc. Et on le fait avec le verre, oui, qu'on avait comme deuxième verre de vin, on le renverse, et après on le re-remplit. Oui. Ok, c'est très bien. Oui, vous me suivez? C'est le chef de famille qui le fait. Oui, juste le chef de famille. Chazak, bien sûr. On continue, Rabbi Yossi Aglili, Kamama Alot Lakom, Dayenu, etc. Qu'est-ce que vous faites avec ce livre? Alors, on peut le lever à la toilette. Oui, oui, il faut le jeter. Il faut le jeter aux toilettes. Oui. Tu veux m'enlever les mots de la bouche ou dans la rue? Non, dans la toilette. C'est mieux dans la toilette. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Happy Kabbalah aussi, c'est un truc de ouf. Tous les clipotes. La Kabbalah, c'est écrit, tous les clipotes se trouvent là-bas, etc. Ok, après on dit Matzazou, Jean Orlim, Arorzou, Jean Orlim. Et après ça, quand on arrive à l'Efichach, Anou Chavim, Lordot, Lealel, Shaber, Lefaer, il y a des communautés qui prennent le verre de vin à ses besoins. Jusqu'à la fin, quand on dit Boré Péria Geffen. Oui. On boit le deuxième verre et encore Be'aseba. Be'aseba, s'il vous plaît, n'oubliez pas, parce qu'on ne va pas être exempté de la mitzvah des 4 verres. Ça doit être Be'aseba. À gauche. À gauche. Toujours à gauche. Et si vous ne voulez pas, vous allez boire à chaque fois un autre verre. Alors, s'il vous plaît. Okay. Parce que moi je connais quelqu'un qui l'a commencé à faire comme ça, le premier, le deuxième était comme ça, le troisième était comme ça. Eh ben, c'est la plupart de nous, on est comme ça. Tous les versants d'Azeba. Ouais, pourquoi ils n'ont pas marqué? On va rire, vous chotez l'Azeba. Ok. On a bu le deuxième verre, après le deuxième verre, on se lève, on se lave les mains pour. Le repas. Anetilatiadaim, cette fois on fait Anetilatiadaim. Amotsi. Maintenant, n'oubliez pas, on a 2 brachot hein, pour la moti. Oui, 2. On a moti lechem min haaretz et al achilat matza. Vetzivanu al achilat matza. Oui. Non, je demandais, c'est vrai qu'on n'a pas mangé depuis un an, tu réponds? Oh, comme c'est quelque chose de nouveau. La matza? Sur la achilat matza? Parce qu'on a fait déjà shekhianu sur le. Sur le vin? Ah, non. Oui. Pour la fête, on a fait pour la fête. Quand on a fait, on n'a pas fait. Quand on a fait Shekhianu sur le kiddush, on n'a pas fait pour juste pour le vin. On le fait pour toute la Seouda. Alors ça inclut. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais le Shekhianu de la fête inclut toutes les choses. On le fait juste le premier jour, le Shekhianu. Le deuxième jour aussi. Hein? Oui, le Shekhianu, c'est les 2 jours, hein? Ouais. 2 jours, hein? Deux jours. Maintenant, la matzah, quand on la mange, il faut manger. Est-ce que tout le monde mange des matzahs ronds, des matzahs carrés? Oui. Pourquoi les 2 jours, les matzahs carrés, les matzahs ronds? Je vais vous dire, comme non, ça, je vais vous dire. Non, je vais vous dire, ronds? Non, on mange carré. Si c'est les matzahs carrés, il faut manger au moins la moitié. Triangle, la moitié. Hein? Pour la moitié. Oui, pour l'achilat matzah. Pour la mitzvah de la matzah. Okay. Oui, pour la moitié. Pour la moitié. Pour le kazaït. Ok, pour le kazaït. C'est environ une moitié du matzah carré. Quand ça vient à la matzah, la ronde, la grande, c'est un quart. Shemura, oui. Shemura. Shemura. Celui qui mange une shemura, on veut une shemura. C'est bien si on peut que. Pour au moins le seder, si c'est bien, on peut manger une shmoura. Pas pendant tout le repas là, mais au moins quand vous faites pour le plat, vous mangez une shmoura, c'est un grand idour. Chacun peut. Si vous avez besoin de matzot, je viens vous le donner. Si vous avez besoin, avec plaisir. Vous m'appelez après. il faut le manger, il ne faut pas s'étouffer, hein, Chas v'Shalom, mais il faut le manger dans un, entre 3 et 5 minutes, sans arrêter. Il faut bien mâcher, et on le mange aussi, Be'aseva encore. N'oubliez pas, on le mange toujours Be'aseva. Hein? Chazak? C'est la Emouna pour toute l'année. C'est la Emouna de toute l'année. Mais c'est, le Zohar, il dit que la matzah, c'est l'Echem Emouna. Que la matzah elle-même, elle a quelque chose de spécial. Et là, on, elle, c'est, une, c'est aussi, on trouve deux lachonos dans le Zohar. L'Echem Emouna et l'Echem Refoua. Ah, Refoua. Oui, vous savez que, d'ailleurs, je vais vous raconter, le Rabbi, il mangeait la matzah Shmura toute l'année. Mmh. Toute l'année, c'est intéressant. Toute l'année, le rabbi mangeait dans la salle, je vois. Dans les. Hein, hein? On n'a pas l'obligation de s'arrêter avant. Oui, ça veut dire juste. Le, c'est ça, quand je veux dire. Tu as raison, pas toute l'année, mais avant Pessah, un mois avant. Ouais. Mais il mangeait toujours dans la salle. N'oublie pas, hein, le rabbi, à un certain moment, il n'avait pas de dents. Hein? Pas de dents. Il était plus âgé. Quand il était plus âgé, il n'a jamais vu. Non, il trompait, il ne trompait pas. Il n'a jamais vu des. Trempé, non. Non, non, il trempait pas. Ah, okay. Il n'a jamais mis de dentier. Il n'a jamais mis de dentier. C'est son choix. Ça. Il n'a jamais mis de dentier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il était très très strict que s'il avait quelque chose qui n'était qui, dans les dentiers et il mangeait quelque chose de chaud Shabbat. C'est mes vachelles, mes Shabbat. En tout cas, le rabbi, il avait des choses, il n'a jamais eu les dentiers. Je ne vais pas rentrer là. Je vais en parler. Quand il était au Seder, pendant toute l'année, on lui. On lui mâchait les matzot et il les mangeait de façon comme. Pendant Pessah, on le voyait, il avait du sang des fois. Quand il mâchait. Mais il mâchait sans dents. Oh. La matzah, vous imaginez de manger, de manger. Et il avait. Il y avait des gens qui étaient à sa table, il avait une montagne de sel. Beaucoup de sel, il s'est trouvé et il mangeait avec beaucoup de sel. Je sais pas c'est quoi, on sait que selon la Kabbalah, le sel ça représente les chassadim, c'est quelque chose de très. Je sais pas si c'est ça la raison, mais quand il mettait, on va dire, le goût de poisson, il mettait. Même dans la vie. Deux scoops. Ouais, dans l'année. Je sais, ouais. Il mettait une tonne de sel. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une chose très intéressante. Je sais pas. Moi, il y a des gens qui étaient à table avec lui. C'était peut-être pour guérir ses gencives. Parce que ses gencives devaient cicatriser. Ah, je sais pas. Non. Je ne sais pas. C'est quoi ces choses-là. Mais de gencives. Ouais. S'il n'a pas de dentier. Et il mâche sur ses gencives. À un moment, il n'a pas ses gencives. Donc plus de. Ah, Khazak. Non, mais oublie ça, le fait qu'il n'y a pas de dents, comment tu parles, Aliou, mais tu ne peux même pas articuler. Et pourtant, il parlait tout chaud. 3 heures. Je ne sais pas de Cheikh. Pourquoi à Soukot on fait un Cheikh le premier soir et pourtant il y a deux soirs. Il y a un voyage. Et là, après ça, on fait deux Cheikh. Soukot on fait deux Cheikh. Oui, un sur le chef Basuka et un autre sur un habit sur pour ou sur un fruit. Non. Maintenant, tu es en train de penser à Rosh Hashanah. Tu veux mettre un nouveau ami, mais les fêtes en dehors de Bechutz Laaretz, ici, on fait sur chaque fête Shekhiano. La seule chose à Sukkot, c'est si on fait Shekhiano le premier jour, on le fait après les avant les Shekhiano Besouka, le deuxième jour, on le fait après les Shekhiano Besouka, mais on fait Shekhiano. Il y a une différence. Ok, alors vous avez mangé maintenant la matzah. Be'aseva, un kazaït, maintenant vous allez manger le maror. C'est la partie la plus fun. Oui. Maintenant, le maror aussi, on doit le manger, be'aseva. Eh non, excusez-moi, la seule chose qu'on ne mange pas le maror, et qu'on ne mange pas be'aseva, c'est le maror. Vous ne le mangez pas comme ça, parce que ça représente quelque chose de amer, etc. Alors, et on fait Asher Kidishan Zdavet Sivanu, Alachilat Maror. Après ça, on fait le korer, c'est ça que ce que M. Atias il a fait référence à un grand sandwich. Ouais. On prend deux parties de matzot et on les met ensemble avec du maror. Et de laitue, encore, mais. Des laitues, ok, chazak. C'est bon. Ouais, c'est tout des minagim. Chaque chose, nous, moi aussi je mets du laitue, la vérité, je prends le maror, on met de la, dans la laitue, on fait un sandwich, et on dit Ken Asa Hilel Bezman Shebet Amigdash Ayakayam. Comme ça, Hilel, il faisait quand il y avait le Bet Amigdash, Ayakorer, il mettait ensemble le Pessah, la Matzah et le maror, Veochel Beyachad, il les mangeait ensemble, moi chez les mars, la Matzah Veochrim, et le Korer, on le mange Be Aseba, contrairement du maror. Ok, on fait le repas. Ok, maintenant après vous faites le repas. Après le repas, quand vous avez fini, vous avez fait. Hein? Il y a le Gefen. Oui, maintenant on va. Avant, ça c'est avant le Birkat Hamazon. Après, avant le Gefen, vous allez faire le Tzafoun. Tzafoun, oui. Tzafoun, c'est quoi le Tzafoun? Vous distribuez à chacun de membres de la famille la Vikoman. Maintenant, il faut encore manger un Kazaït. Bon. Un Kazaït de Matzah, qui est encore une demi de du matzah. C'est pas ça. Oui. C'est pour vous seulement, mais c'est pour tous les membres de la famille. Alors chacun reçoit un bout, etc. On prend une galette. Et vous mangez une galette. Maintenant, intéressant que le Rambam, il faut essayer de finir avant Chatzot. J'espère que vous allez finir avant Chatzot. Chatzot, c'est déjà. Selon le temps juif, Hatzot, c'est une heure. Environ une heure, minuit 57, quelque chose comme ça. Essayez de finir, de manger, excusez-moi, de finir le Afikoman avant Hatzot. Ah, ok. Ça, c'est selon tout le monde. Parce qu'il y a une opinion qui dit qu'on peut le finir après, ça c'est le Rambam, mais le Shulchan Aruch Beit Yosef, il rapporte que on ne fait pas de... Ok, on va juste finir vite. Ok, vous avez mangé le Afikoman. Après le Afikoman, le troisième verre de vin, vous êtes déjà bien, vous pouvez partir en lit, c'est pas fini. Vous faites le troisième verre de vin, sur le troisième verre, oui. Oui. Tu fais le deuxième qui douche, oui. Je le repas, après tu as le troisième qui douche après le repas. Could you drink in between both meals? Yeah. Bien sûr. Ah. During the meal, durant le repas, vous pouvez manger. C'est ça. Alors, durant le repas, il faut boire au moins 4 bouteilles. 4 bouteilles. Oui. Vous avez été en train. J'ai entendu moi 12 bouteilles et demie. C'est pas pour rime, hein. C'est pas pour rime. C'est pas. Ok, alors, vous avez rempli le troisième verre, vous faites Birkat Hamazon, Shira Mahalod, etc. Chacun le minage. On fait Zimoun et à la fin du Birkat Hamazon, on fait Boré Peré Agefen encore et on boit le troisième. On n'a pas encore bu le quatrième. Le troisième verre après Birkat Hamazon, c'est le troisième verre. Encore Be'aseba. Sinon, vous allez boire un cinquième. Be'aseba. Ok. Oui, vous vous rappelez maintenant, après qu'on fait Birkat Hamazon, on remplit quoi? Le quatrième verre d'Eliyahu HaNavi. Oui. On le laisse. Le verre de Eliyahu HaNavi, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a différentes communautés? Est-ce que vous. Il y a des communautés que. Shpoch Hamatra la Goïm, on ouvre la porte, oui? Oui. On ouvre la porte. Shpoch Hamatra la Goïm, etc. Ils jettent le truc, je pense. Oui. Demain. Voilà. Quand ça? Le lendemain? Non, le soir. Le vin, on le boit pas. Ah non, on fait pas ça. Pour y aller qui rentre. Non, on ne pas le vin. Avant, on le fait. Ah, c'est ça. Oh. Ah, c'est vrai, non? Il y a des milagres comme ça, oui. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce verre de Gadali? On le fait le quai 12 de on le jeter. Non, tu fais le quai 12. On ne fait pas le quai 12 avec ça le lendemain. Non. Comme ça. Alors, après qu'on a fait, on a bu le troisième verre après le Birkat Hamazon, on remplit un verre pour Eliyahu HaNavi, on remplit un quatrième verre pour nous, et Eliyahu HaNavi doit être jaloux, non, on est déjà au quatrième, il reçoit le premier seulement. Alors on remplit le quatrième verre, et après on dit « Shpoch HaMatra LaGoyim ». Maintenant, il y a certaines communautés que le vin là que vous avez utilisé pour... Dan, Sardé, Akinim, etc., il le jette dehors. Mais on l'avait jeté dans la toilette. Il y a des gens, il m'a demandé, alors je dis, il y a des gens qui prennent ce vin, ils vont dehors, ils le jettent. Il n'y a pas trop. Vous suivez le minac que vous avez. Chacun a son minac. Mais non, nous on le jette dans la toilette, etc. Bon,